j'ai assisté à la venue et au départ d'une caravane comme celle-ci, une caravane de sel à Mersal, dans la ville de Tichit même, qui est au centre de l'histoire de ce chapitre que vous avez lu. Ces caravanes sont donc régionales, mais aussi internationales. Et le livre parle des deux systèmes. Les caravanes internationales sont proprement transsahariennes, celles qui traversent ces zones. Elles sont financées évidemment par toutes sortes d'opérations de crédit. Et puis peut-être qu'on pourra en parler plus, parce que j'en parle dans le chapitre, mais je peux vous parler un peu plus des différents types de contrats et des systèmes de vente qui sont des systèmes pour opérer dans un crédit avec intérêt profitable sans que ça suscite la colère de Dieu dans le système musulman, si vous voulez. La division de travail aussi est une constante, dans le sens qu'il y a des chefs de caravane, des leaders, il y a de la main-d'œuvre, souvent servile, et il y a le rôle des femmes, une chose qui est très, très souvent pas bien suscitée dans les études de commerce à long terme, où on voit en fait que les femmes, et ça c'est, il y a des études maintenant, Francesca Trivelato qui parle du commerce du vivant et d'autres qui s'intéressent aussi à voir qu'il y a les femmes qui utilisaient les contrats pour s'impliquer dans ce commerce, bien qu'elles n'étaient pas visibles dans les bateaux ou sur les caravanes. Et puis dans le livre, je parle en fait du fait que c'est peut-être un avantage que les femmes avaient de ne pas devoir partir sur ces pistes caravanières qui étaient assez dangereuses et hasardeuses et difficiles. Donc le commerce caravanier, comme je vous dis, c'est un système très moderne où il y a dans ce monde-là, ce monde nord-ouest africain, il y a un manque d'un état général régulateur. Il y a les hasards du voyage qu'on trouve dans tous les systèmes, mais ici c'est bon, le dessèchement, des puits, les tempêtes de sable, les pirates, chameliers, etc. Il y a aussi une incertitude de marché, des risques financiers qui ont beaucoup à voir avec l'idée de asymmetries of information. Information asymmetries, c'est-à-dire que pas tout le monde a accès à l'information, il n'y a pas des réseaux centrales d'information, et il y a des groupes, surtout dans les réseaux, qui ont des avantages pour pouvoir accumuler et distribuer l'information de marché, des informations aussi de parcours, pour mieux guider les caravanes et ses financements. C'est une économie à haut investissement, puisque bon, la chose la plus chère, c'est le chameau. Ensuite, c'est l'esclave. Et il faut avoir des ressources pour pouvoir participer dans un réseau où on a accès à ces choses capitales comme l'information. Et dans ce système, les oasis même fonctionnaient comme un peu des institutions autonomes qui réglaient et régularisaient l'accès au marché. Et elles opéraient de manière autonome par rapport au pouvoir temporel ou régional, le pouvoir de quelques émirats nomades qui pouvaient de temps en temps affecter échanges. Et puis dans ce système pré-moderne, le rôle capital des institutions musulmanes dont je m'intéresse particulièrement. Ces institutions musulmanes qui bon, sont régularisées par des écrits en commençant par le Coran. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous informer un peu sur comment le droit musulman et la religion musulmane est vraiment à la base une religion impliquée dans le commerce. Bon, le prophète Mohammed était, lui, un commerçant. D'ailleurs, il a commencé ses pèlerinages en étant embauché par la femme qu'il épousera plus tard, Khadijatou Mentroïlet, qui était une caravanière, qui était en fait deux fois veuve, et avait un capital assez important. Elle a employé Mohamed par contrat pour commercer à procuration. Et donc quand on regarde le Coran même, on est vraiment face à face avec un document qui décrit vraiment un modus operandi commercial. Énormément de références au commerce, à l'équité dans le commerce, à les descriptions de ce que comporte l'usure, des choses à éviter, mais aussi des directions très précises pour l'enregistrement des transactions par écrit, des transactions commerciales et financières. Le Coran n'est pas le seul texte. Il y a la Sunna, la tradition du prophète, il y a les hadiths, et par là, ensuite, il y a des détails dans les différentes branches de loi musulmane qui apportent encore plus de codes et de détails pour toutes sortes de circonstances. Et bon, comme ce monde musulman était vraiment un monde qui était généré qui était propulsé par la génération de capital qui était dans ce secteur commercial en priorité, on voit que dans ces descriptions, donc par exemple les textes malikites, toute cette zone dont je parle, c'est une zone qui opère dans l'école musulmane malikite, donc une des quatre ou plusieurs, enfin il y a plus de quatre, mais une des quatre principales écoles de droit musulman, ces textes malikites apportent encore plus de détails. Mais simplement, je voulais vous faire voir, si vous n'avez pas lu encore, le texte primordial pour le contrat dans le Coran. C'est dans la sourate Al-Baqara, c'est la sourate de la vache, le vers 282 et 283, qui parle spécifiquement de l'importance d'enregistrer les contrats par écrit. Quand vous contactez une dette à échéance déterminée, mettez-la en écrit et qu'un scribe l'écrive entre vous, en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce que Dieu lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dit le débiteur, qu'il craigne Dieu, son Seigneur, et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur, gaspilleur ou faible ou incapable de dicter lui-même, que son représentant dicte, alors en toute justice, etc., etc., Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vous, hommes, ou à défaut, de deux, un homme et deux femmes d'entre ceux que vous avez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui rappeler. Donc les témoins ne doivent pas vous refuser, etc., d'être appelés. Donc c'est très précis. Et ensuite, j'ai pas l'habitude de lire le Coran en français. Il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, etc. Et donc plus loin, si vous êtes en confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, qu'il craigne Dieu, etc. Donc vraiment un guide pour écrire les contrats. Des contrats qui sont à la base des accords oraux, témoignés par des témoins, et datés, etc., en accord. La chose aussi, pour ce qui est de cette logique commerciale de l'écrit, comme je l'appelle, en prenant ce que dit Jack Buddy, la logique de l'écrit, mais en faisant vraiment un constat très simple qu'on sait depuis le début de l'écrit, le cuniforme sumérien qui ont à voir avec des contrats, avec des mises en compte, des calculs. L'écrit, il me semble, même pour le cas musulman, a une motivation commerciale. La motivation pour acquérir l'écrit, on peut faire l'argument que c'est à la base une motivation commerciale. Et dans l'histoire de l'islam, vraiment, l'écrit est la première chose que Mohammed a été révélé par l'ange Gabriel, c'est Iqra. Donc le Coran, c'est Iqra, ça veut dire lire. Donc en fait, il y a vraiment une philosophie de l'écrit à la base de l'islam très importante. Et qui est vraiment la responsabilité de chaque musulman d'acquérir. Donc je parle un peu dans cette nouvelle étude en faisant des comparaisons du système d'éducation que les musulmans, ils ont vraiment eu peut-être un des premiers mouvements démocratiques de l'alphabétisation par rapport aux juifs qui étaient beaucoup plus restreints de point de vue du nombre et aussi avec les lois de conversion, c'était vraiment la même philosophie, mais qui n'a pas eu un impact aussi énorme puisque la communauté juive est restreinte. Donc Maristella Botticini et Svi Eckstein parlent un peu de cet avantage qu'a l'écrit en tant que outil qui donne un avantage comparable aux sociétés qui n'en ont pas. Et dans ce monde du Sahara, c'est un monde incroyable où les musulmans ont vraiment pris à la lettre toutes ces recommandations religieuses. Et on voit vraiment dans une zone saharienne un essor de l'écrit et un essor de la production intellectuelle qui est assez incroyable. Incroyable de par le fait que c'est une zone qui n'est pas liée facilement à d'autres cités, à d'autres sources de ressources. Et ça, c'est la ville, par exemple, de Tichy, pour les villes très sahariennes. La ville de Chimbiti, qui est vraiment l'autre plus grande oasis dans cette zone qui est le pays de la Mauritanie actuelle, qui ressemble un peu à Timbuktu, mais alors Timbuktu est pas aussi ancien que ces deux villes, Tichit et Chimbiti, Timbuktu, qui se trouvent plus dans le Mali. Ces musulmans, vraiment, ont généré vraiment une culture de l'écrit assez incroyable, surtout quand on réalise que, afin de s'accaparer de cet autre outil principal pour l'écrit, le papier, il fallait vraiment se déménager. et donc, pour cette étude, la seconde étude, l'étude que je fais, à laquelle je m'intéresse maintenant, je m'intéresse à vraiment savoir l'histoire de la production de ce papier. Papier qui est vraiment, vraiment un outil extraordinaire, comme a dit Spicer Dykes dans une étude publiée en 1907 qui s'appelle The Paper Trade. Il s'intéressait à l'essor de l'industrie du papier en Angleterre, qui était aussi une industrie beaucoup plus tard que celle de France ou même de. Il y avait l'Italie, la France et l'Allemagne. Il a dit que the cheapening of paper was more revolutionary than the invention of the steam engine. Donc le train était moins révolutionnaire que la production du papier et l'accès à un papier pas cher. Donc le papier qui a bien sûr a été produit en Chine d'abord, d'abord en fait c'est l'Afrique, c'est le papyrus d'abord. Donc c'est un peu comme le papier commence en Afrique et ensuite, les nouvelles productions du papier de Chine, cette technique qui migre dans le Moyen-Orient, à Samarcande, en Perse, et ensuite le Caire, Tunisane en Algérie, et Fès, qui deviennent les trois centres importants en Égypte, en Algérie et au Maroc pour la production du papier. Avec d'énormes nombres de mills comment tu dis, les mélanges, les moulins. Hein, les moulins à papier. Les moulins à papier, voilà. Et puis cette technologie qui bouge ensuite dans l'Espagne musulmane. Et c'est là où le centre de Khatiba, ou Chatiba, devient un centre très important de papier. C'est de là que l'Italie, la France, etc. vont acquérir cette nouvelle technologie. Et ensuite, à partir du 15e siècle, fin 15e siècle, vraiment, les sources de papier se tarissent en Afrique du Nord et l'Europe vraiment prend la relève. Et donc, ces sociétés dont je parle sahariennes vont devoir importer ce papier à partir du 15e, 16e siècle que de sources européennes. Quand on voit quand même que ces bibliothèques que vous avez vues tout à l'heure, beaucoup ont été fondées vraiment au 18e et surtout le 19e siècle. C'est le 19e siècle que voit l'essor de la production industrielle de papier, et donc ce papier-là est souvent de source européenne. Bon, ces sociétés sahariennes se sont intéressées au papier pour écrire plein de choses. Des choses qui ont à voir avec l'exégèse, qui ont à voir avec la religion, les écrits qui ont à voir avec le droit. Mais donc, ils avaient des besoins différents pour le papier. Et là, je me suis intéressée surtout à comment le papier a été un conducteur important pour l'essor du commerce caravanier au 19e siècle. Bon, le commerce caravanier a eu, quand on s'intéresse à long terme, plusieurs essors. Au 14e siècle, il y avait vraiment le golden trade of the Moors, comment on appelle ça, parce que bon, c'est l'Europe qui a besoin d'or, et c'est tous ces liens. Et puis à ce moment-là, le 14e siècle, le produit, le papier, qui est vraiment, je propose un outil primordial pour l'organisation du commerce complexe est disponible en Afrique du Nord pour ces caravaniers. Ensuite, à partir du 15e siècle, c'est la décadence. Et on revoit la décadence du 15e, 16e, 17e. Ce n'est pas la décadence, mais c'est le commerce, on ne le voit pas représenté de manière aussi importante que dans le temps. Et il reprend vraiment en 18e siècle, où, à un moment où l'importation du papier vient par le biais du bateau avec les Européens qui s'installent sur les côtes de l'Afrique, par exemple, et qui commencent à faire des échanges avec les gens de l'intérieur, bon, l'esclavage aussi, mais la gomme arabique qui était, à partir du 17e siècle, une ressource très importante prisée en Europe, utilisée dans le système d'imprime de textiles, et mais aussi pour la production de livres, ce qui est ironique, hein, la gomme arabique pour faire les relais, les reliures des livres. Et donc cette économie de papier, en fait, c'est comment est-ce que les caravaniers utilisent le papier? Ils utilisent le papier pour des livres de compte, des listes de caravanes, des contrats de tout genre, la correspondance, bien sûr, fonction primordiale, enfin biais primordial de la distribution de l'information, des lettres de change, etc., des travelers tchèques, ce qui est importé de Perse, des listes de commandes et des bons de charge, c'est-à-dire les bons de charge du chameau avec des descriptions de charges et propriétaires, etc. Donc voilà quelques exemples. Ça, c'est une liste d'une caravane de 1000 et quelques chameaux. 3000 chameaux, pardon. Et ça, vous voyez, c'est les barres de sel dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on trouve en Mauritanie et au Mali, qui font l'objet des échanges primordiaux des caravanes avec les gens du Sud. Puisque les gens du Sud ont besoin de sel, c'est des zones où il n'y a pas de sel. Et donc c'est cet or qui est échangé en fait par le sel, et puis le sel est vraiment le moyen d'échange principal. Excusez-moi, ça c'est une photographie, c'est ça? Ça, c'est un document. Et ça, oui, c'est une photo. C'est une caravane, c'est la caravane du sel de Timbuktu, ça. D'accord, ok. Qui aujourd'hui, fait, quoi. Enfin, c'est une photo actuelle. Elle fonctionne toujours. D'accord, ok. Il n'y a pas de route. D'accord. Le chameau, donc, toujours utilisé comme... Ça, c'est un contrat de prêt, ce qui nous intéresse, puisque c'est le crédit. Et ce qu'il y a dans ces textes de loi musulmane, c'est qu'il y a des modèles de contrats. On les trouve en Europe, mais beaucoup plus tard, parce que ces contrats, en fait, et ça c'est quelque chose que j'essaie de voir, et quelque chose qu'a traité Abraham Udovitch dans un bouquin qui s'appelle Partnership and Profit, que je mentionne souvent dans mon livre, un bouquin extraordinaire. Mais il y a aussi une dame qui s'appelle Janet Wacken qui s'est intéressée à traduire tout un recueil de formulaires. Donc ça, c'est les formulaires de contrats de tout genre. Et donc ça, c'est un contrat de prêt qui dit que celui qui regarde ce document et le lit attentivement, que tel, donc Fulan et Ibn Fulan, c'est-à-dire tel, que Dieu facilite ses affaires, a donné en prêt à tel, que Dieu le garde et protège ses dettes, telle chose en dette et en crédit pour telle période, le témoignage de cet acte a été fait en confiance le jour tel de telle année, témoigné par tel et tel. Bon, tel, parce que Ibn machin. Donc, mais c'est des contrats qui étaient étudiés par des enfants à l'école, souvent, mais un peu plus tard, ils apprenaient ces formulaires pour pouvoir faciliter leur commerce. Et ce type de formulaire, ça c'est une procuration par exemple, vraiment on voit les modèles partout. Et ça fait partie de ce que j'appelle legal literacy, qui est important dans ce contexte, d'avoir une connaissance des légales. Ça, c'est un règlement de dette par une femme, par le biais de son fils. Ça, c'est un livre de compte avec des prêts et qui sont envoyés après être expirés. Une lettre commerciale entre frères, mais qui inclut des règlements de compte. Donc, on règle les dettes par des lettres. Et par ce qu'à l'époque, quand j'avais écrit ma thèse, je parlais de virtual finance. Parce qu'on voyait que les gens, c'est comme le système du bon d'échange, donc les gens ont des comptes de deux côtés dans des marchés dispersés et se facilitent avec les lettres les échanges dans ce sens. Ça, c'est une correspondance de récupération de dettes, donc un problème, puisque les créditeurs et les débiteurs se sont pas mis d'accord ou que le créditeur n'a pas reçu son dû, donc puisque sans doute les efforts que le créditeur a fait pour récupérer sa dette auprès de la personne endettée n'ont pas abouti, donc il a recours au ce que j'appelle legal service providers, c'est-à-dire les juges, les radis, qui fonctionnaient souvent dans ce système pré-moderne, dans ces oasis, comme des gouverneurs ou des arbitres locaux, qui consultaient souvent avec la Jamaa, c'est-à-dire le town council, pour faire des décisions, mais qui opéraient aussi comme des pôles d'information. Ils savaient les écritures des gens, ils pouvaient identifier les écrits, ce qui est chose très importante dans cette économie de papier, parce que c'est ces écrits qui c'est ce qu'on appelle un system of enforcement, en particulier, et qui opéraient aussi comme intermédiaires financiers. On leur envoyait de l'argent. Souvent, les maris qui étaient loin, envoyer au Pradi l'argent pour distribuer à la famille. Donc ils avaient, eux aussi, parce que le Pradi s'occupe des orphelins, etc., et il a pas mal de finances à gérer, et ils opèrent comme des scribes. Excusez-moi juste, dans cette lettre-là, c'est le Cadi qui écrit, en non, fait Non, c'est un créditeur qui est. Crée au CADI pour lui demander d'intervenir. De mettre pression. D'accord, okay. Sur la famille. D'accord. Qui lui, enfin, sur la personne qui lui doit de l'argent. D'accord. Donc. Est-ce que cette pression, elle se fait pas par écrit, la pression du CADI sur la personne qui doit de l'argent, ou elle se fait comment? Non, la personne envoie une lettre au CADI. Ouais. Et après, le CADI, il va faire pression sur la famille. D'accord, mais dans une interaction pas écrite. Enfin, je veux dire, il va le voir. Oui, oui. D'accord, ok. Et puis, on ne peut pas ne pas obéir au CADI. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit en fait, mais le droit musulman était géré par ces. Ce qu'on appelle legal service providers, c'est-à-dire les qadi, qui font l'exécution, et les muftis, c'est-à-dire ceux qui écrivent des fatwas, comme les fatwas dans le chapitre, qui donnent des opinions, tu vois, et qui mettent pression sur les qadi même. Les muftis sont vraiment au top niveau de la jurisprudence, et c'est eux qui en fait éclaircissent. Font les éclaircissements légaux et sont au-dessus de tout acte légal. Donc cette économie, ce que j'appelle une paper economy of faith, c'est-à-dire c'est une économie de papier, mais qui est vraiment ancrée dans une religion et dans la foi, parce que c'est vraiment Dieu le dernier arbitre, c'est lui qui témoignent de toute l'opération et sont donc ces économies de papier et de la foi montrent que literacy, l'alphabétisme est vraiment à la base, on peut le dire, je le dis, du développement d'économies complexes. Et que dans ces économies complexes, bien sûr, bon, l'écrit est dispensé par les hommes de religion, par les legal service providers, qui sont aussi ceux qui enseignent dans la madrasa, si vous voulez, qui enseignent l'écrit à la base, et qui enseignent les écrits, qui enseignent les références légales, etc., et qui enseignent ces modèles de contrats, etc. Donc cette économie est impliquée à la base par ces spécialistes de la loi qui pourvoient des services de médiation, délibération, exécution, etc., des accords de contrat, et aussi autres questions relatives au commerce et au droit de propriété. Et donc ces contrats commerciaux sont des mécanismes, comme je dis, dans le livre, qui en fait assure la confiance. C'est que, parce que ces contrats, je sais pas si ces contrats sont des contrats entre particuliers. Dieu est le témoin primaire. Les témoins qui signent, qui sont là pour témoigner de l'acte, imbrique la confiance entre ses partenaires et ses associés. C'est-à-dire qu'on parle de trust, etc. Et là, je parle qu'en fait, ces contrats génèrent la confiance. Parce que ce qui est ironique, je vais vous dire plus tard, c'est que les contrats et les documents même n'ont pas de valeur, comme je l'ai dit dans le chapitre, n'ont pas de valeur juridique. C'est dans ce sens-là que c'est des instruments qui gèlent une confiance entre personnes, mais qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être faire part d'un système formel. Voilà, c'est bon. Simplement pour montrer le nombre de muftis dans la zone. C'est une étude qui a été faite par Yahya Obama, qui a fait toute une collection de fatwas pendant 500 années. Du 15e jusqu'à début 20e siècle. Il a collectionné, il est en train de faire publier en 16 volumes.